Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina de Lebou-Mistassini au 418-276-2108. L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets, ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, dans les entrevues, dans la section de durant la période des fêtes, on parle avec l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, Jean Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour, Denis. Jean, d'abord, on va parler un peu de toi. Le goût du sport a commencé à quel moment? Moi, je vais te dire, tout jeune, j'étais toujours dehors. OK. Et ma mère me disait, à l'heure actuelle, elle est décédée, là, mais elle me disait tout le temps, elle dit, Jean, elle dit, t'étais vraiment spécial parce que il y avait une équipe qui jouait dans une ligue intermédiaire C, là, okay. De la région de Sherbrooke. Puis, écoute, naturellement, il jouait dehors, hein? Ça fait que moi, j'avais à peu près 5 ans, puis j'étais sur les bancs de neige à 8-9 heures le soir, puis je regardais ces gars-là aller, puis j'étais en admiration devant eux autres. Okay. Puis finalement, ça m'a donné le goût de jouer au hockey, et par la suite, j'ai demandé à mes parents de m'offrir une paire de patins, puis... ils m'ont dit directement, écoute, on n'a pas d'argent pour ça. Ça fait que ma mère, elle avait eu deux patins différents. OK. Naturellement, un gauche et un droit. Puis elle dit, tiens, elle dit, j'ai eu ça pour rien. Ça fait que si tu veux aller patiner, vas-y. Mais j'étais gêné, là, écoute. Donc, vous étiez vraiment pas riche, là, si vous aviez pas... Ah non, nous autres, on était pauvres comme job, là. Je vais dire une chose. Okay. Mon père était un bûcheron. Il s'en allait... dans le nord de l'Ontario pour gagner son pain l'hiver. Puis l'été, il travaillait à une pièce de l'heure sur la construction. C'était ça, les salaires dans ce temps-là. OK. Vous étiez une famille de combien? On était 8. Okay. 8. 4 garçons, 4 filles. Puis les quatre gars, à un moment donné, on était sur la même équipe de notre village à Scott Corner, pas loin de Sherbrooke. C'était à peu près à 10 km de Sherbrooke. Donc, les quatre gars, malgré un père qui détestait le sport parce qu'il disait que c'était une perte de temps, on est tous devenus des athlètes. On faisait partie d'un groupe de gars là, assez populaire, avec des belles habiletés. Okay. Et naturellement, quand tu as quatre gars de la même famille qui jouent en même équipe là, pour représenter ton village, c'est exceptionnel. Vous étiez le plus jeune, le plus vieux dans le milieu? Moi, j'étais deuxième. Il y avait mon frère le plus vieux, puis nous autres, on était trois attaquants. Mon frère le plus vieux, lui, était un défenseur, puis c'était un gars qui adorait les Maple Leafs de Toronto. Ça fait que lui, il voulait jouer comme Bobby Bond, puis Tim Horton, puis ces gars-là, là, Alan Stanley. Il adorait les... Puis mon père, ça l'enrageait parce que mon père, lui, c'est un gars qui croyait en Maurice Richard. Maurice Richard, pour lui, c'était le sauveur des Québécois, hein? Ben oui, de la langue française. Là, on parle de quoi? Des années 50? Ce que vous me racontez là, 50, ouais, 60? Là, je parle des années 50, oui. OK. Ouais. Donc là, par la suite, on vous a connu avec les... on a commencé à entendre parler de vous avec les professeurs d'éducation physique à l'Aigle Bleu, sauf qu'avant ça, donc vous avez joué du hockey organisé quand même passablement. Est-ce que vous êtes rendu à quel niveau du hockey organisé? Ben moi, j'ai joué pour l'Université de Sherbrooke avec justement des gens de la... OK. Ben oui, j'ai joué avec le Verréard de l'Université de Sherbrooke, avec des gars de ton coin qui s'appellent Normand Delisle, par exemple. OK. Normand Delisle, qui était le directeur des sports à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai joué avec plusieurs joueurs du Saguenay. Ah oui, à l'Université de Sherbrooke, en éducation physique. Il n'y avait pas de junior dans le temps? Il n'y avait pas de hockey junior? Ben oui, il y avait. Il y avait eu du junior à un moment donné. Les Blues de Saint-Louis avaient établi une équipe junior à Sherbrooke. OK. Et c'était dirigé par Jerry Plamondon. Puis Jerry Plamondon, qui avait joué pour le Canadien, lui, il dit, Jean, il dit, toi, tu es à l'université, tu pourrais faire notre équipe ici, mais il dit, je te conseille, vu que t'as 19 ans, ben je te conseille de continuer ton hockey à l'université, parce que on sait pas ce qui peut arriver dans le junior, puis dans le junior, dans ce temps-là, mais t'avais pas trop le temps d'aller à l'école. Et ça a été une bonne décision de me couper, parce que justement, les Blues de Sherbrooke, ben, les juniors majeurs du Québec, ont fait faillite, puis à Noël, cette équipe-là n'existait plus. Okay. Ça fait que, après ça, j'étais un assez bon joueur avec l'université, et mon objectif, c'était de jouer pour le Canada aux Jeux Olympiques. Okay. Et dans ce temps-là, il y avait deux équipes, il y avait une à Winnipeg, puis l'autre à Calgary. Okay. Et finalement, on a cancellé le programme olympique en 72 et 76, donc j'ai dit, vu que je suis pas capable de jouer pour mon pays, ben à ce moment-là, ben je vais coacher. C'est pour ça que j'avais pris une job comme éducateur physique au collège de Matane, en autant qu'ils mettent sur pied une équipe de hockey pour le collège. Okay. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, je suis allé enseigner au collège de Matane, et j'ai coaché dans la Ligue junior B du Bas-Saint-Laurent. J'avais 23 ans. J'étais aussi jeune quasiment que les joueurs. Ouais. Ça fait que, de là, ben, je suis allé à Michigan State faire ma maîtrise, parce que si tu voulais travailler dans le programme olympique comme coach, ben, fallait que tu passes par une université, comme okay. Tom Watt, par exemple, Bob Johnson, des gars de même ont passé par l'université. Et ils sont devenus coachs. C'est là les Aigles Bleus, c'est-tu là que... Les Aigles Bleus sont arrivés, puis c'est là que... ben, écoute, on a gagné des championnats canadiens, puis un bon lundi matin, je me souviendrai de ça comme c'était hier. Ouais. Sam Pollock. Okay. Sam Pollock, qui était le directeur gérant de l'équipe olympique dans ces années-là, en 82, il avait été nommé. Il m'a appelé et m'a dit, « Monsieur Perron, voulez-vous coacher programme olympique? » Oui. Okay, là, je pensais que c'était un canular. Oui, avec Dave King, c'est ça. C'est l'adjoint de Dave King. C'est ça. J'ai pris l'avion, puis le lendemain, je suis allé signer mon contrat pour le programme olympique. Et finalement, en 84, à Sarajevo, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'étais dans la parade des Jeux olympiques à Sarajevo. Je représentais mon pays. Pour moi, c'était l'accomplissement de mon rêve. Et là, ben 84, écoute, il y avait quand même une équipe potable. C'est l'équipe olympique, c'était pas vraiment... C'était un peu une équipe comme on a vu aux derniers Jeux olympiques. T'avais Sean Burke devant le filet, je pense. T'avais Pat Flatley. Était là. Il y avait... Ouais, j'avais Gosselin, Mario Gosselin. Ouais. Sean Burke était là. On n'avait pas le droit d'avoir des professionnels. Ouais, ça fait qu'on avait toute une gang de jeunes. Puis finalement, on avait fait la ronde des médailles. Ouais. Ces gars-là, là, ils ont fait une belle carrière. Là. James Patrick, Jean-Jacques Daigneault, Pat Flatley, Wilson, Jeff Courtnall. Nomme-les, là, ils ont tous eu très belles carrières, ces gars-là. Dave Tippett était un assistant, justement un assistant capitaine de cette équipe-là. Donc, tous les gars, avec Kevin Denis, tout un joueur d'hockey. Kevin là, Denis, effectivement. Ça fait que, on a connu du succès à Sarajevo, mais face à la machine rouge, là, Tikhonov avait mis son... une équipe vraiment forte là, sur la glace. Mario Lemieux, pourquoi il n'avait pas été choisi? Je me rappelle, ça avait fait... Dave King. Ouais. Dave King, Lui, il disait, il dit, he can't check his mother. Il peut pas surveiller sa mère. Tu sais, en parlant de ses habiletés défensives, il voulait pas de claque. Ouais. Fait que lui, naturellement, quand il a pas été choisi, puis Mario aurait voulu jouer pour notre programme olympique, ben il m'a envoyé au BAT, puis il a dit, va expliquer ça à la Fédération de hockey sur glace du Québec. J'ai-tu mangé une ramasse, tu penses? Ouais. Avec Mario Lemieux dans votre équipe, vous auriez probablement été pas loin de la demi-finale ou de la finale. Pardon? Avec Mario Lemieux dans votre équipe, ça aurait été cool. Ah ben oui, on aurait pu faire la ronde des médailles, ça c'est évident. Ouais. On l'a fait, la ronde des médailles, mais on aurait pu aller chercher une médaille de bronze avec Mario Lemieux. Ouais. Ah non, puis là, je vais te conter une anecdote. À un moment donné, quand Dave King voulait rien savoir de Mario Lemieux, Sam Pollock était dans un... Il nous avait invité à aller le rencontrer dans un hôtel à Toronto. Mm. Puis là, il s'était assis avec nous autres. Ça avait duré 3 minutes. Il dit là, il dit, les gars, là, écoutez-moi bien. Il dit, Mario Lemieux va être choisi par 21 équipes dans la Ligue nationale, parce qu'il y avait 21 équipes dans ce temps-là, comme numéro 1. Puis vous autres, la 22e équipe, vous nous dites que Mario Lemieux ne ferait pas votre équipe. Il dit, réfléchissez à ça, puis il a quitté la table, puis il est parti. C'est incroyable. Mais, Dave King n'a jamais voulu changer son opinion. Ça avait fait toute qu'une histoire. Par la suite, vous avez été nommé entraîneur adjoint chez le Canadien de Montréal avec Jacques Lemaitre. Ça avait été... Oui, bien, Sarajevo, là, on va dire une chose, c'était la tournée des Grands-Ducs, comme on dit. Un soir, je soupais avec les Nordiques, puis l'autre soir, je soupais avec le Canadien. Les deux équipes avaient entendu parler de moi. Ben écoute, tu sais, quand tu gagnes, là, dans une équipe, naturellement, mais les professionnels te regardent. Puis c'était une question de timing dans ce temps-là. Parce que les équipes de la Ligue nationale commençaient à voir que les Européens étaient devenus de bon calibre. Là. Ça fait que ils disaient, ça prend des gars comme Perron, Dave King, Tom Watt, Charles Tifaux, qui ont passé par les universités, qui ont fait le tour du monde pour coacher nos équipes dans la Ligue nationale. Ça fait que moi, j'ai choisi le Canadien à cause de Jean Béliveau, parce que les Nordiques, pour moi, ça ne me disait rien. Là. Okay. Moi, j'étais à Moncton, puis à Moncton, ils nous présentaient deux équipes, le Canadien le samedi soir ou les Maple Leafs de Toronto. Ouais. Jamais les Nordiques. Nous autres, on n'était pas au courant de ça, les Nordiques. Ça fait que Jean Béliveau, c'était mon idole, donc j'ai choisi Jean Béliveau, un Acadien d'origine, parce que moi, j'étais dans une université acadienne, et Jean Béliveau avait été fait docteur honoris causa, ça fait que... Et puis j'avais été élevé avec le numéro 4 dans le dos, ça fait que j'ai choisi les Canadiens, même si l'offre des Nordiques, financièrement, était meilleure que celle du Canadien. Effectivement. Après ça, ben, vous êtes nommé entraîneur-chef du Canadien, parce que Jacques Lemaire n'aimait pas vraiment son emploi chez le Canadien, donc vous êtes nommé entraîneur. Est-ce que c'était prévu dans le scénario que vous deveniez entraîneur adjoint, par la suite vous remplacez Jacques Lemaire? Est-ce que c'était prévu? Ça? Non, absolument pas. Non? Absolument pas. Moi, je suis rentré là-dedans. J'ai dit, je vais faire mes classes. Je vais être 3-4 ans comme entraîneur adjoint. Je vais apprendre les rudiments de la Ligue nationale. Mais j'étais loin de me douter que Jacques Lemaire n'aimait pas travailler avec les journalistes à Montréal. Là. Ouais. Fais pas ça. Naturellement, il y avait eu ce tough. Là. Moi, quand je suis arrivé, c'était la guerre entre lui et Guy Lafleur. Là. Oui. Guy jouait sur le banc pratiquement, puis ça allait pas bien entre les deux. Il y avait beau avoir joué ensemble et gagner des Coupes Stanley ensemble, mais ça n'a pas fait un bon ménage là, entre Guy Lafleur et. C'est peut-être ça le problème aussi, c'est que c'est difficile. Là. Quand t'es joueur, quand t'es été coéquipier, après ça, tu deviens un qui vient patron. C'est difficile après ça, là, peut-être là, aussi. Ouais. Et l'année ça fait que moi, j'ai été entraîneur adjoint avec Jacques Lemaire un an et finalement, ben Jacques Lemaire démissionne. Puis Jacques Lemaire, il dit à Serge Savard, Jean Perron est prêt, puis donne-lui un job. Hey, moi j'étais pas prêt. Moi, là, je savais que j'étais pas prêt. Écoute, j'aurais aimé rester une couple d'années avec Jacques Lemaire en arrière du banc, parce que la première année, moi, j'étais toujours sur la galerie de la presse pour envoyer des messages à Jacques Laperrière en arrière du banc. Ouais. Ça fait que j'aurais aimé être proche de l'action pour une autre année. Okay. Non, Jacques, il dit, t'es prêt, Jean, vas-y, prends ça. Puis finalement, ben, on... j'ai eu la chance de gagner la Coupe Stanley, mais je le dis souvent à tout le monde, si je me mets pas la tête sur la bûche pour avoir un gars comme Patrick Roy dans les filets, ben on gagne pas la Coupe Stanley, ça c'est non, clair. C'est sûr. Puis t'avais des vétérans comme Larry Robinson, Bob Gainey, et ainsi de suite aussi, qui ont aidé. Là. Je me rappelle en 86. En 86, je me rappelle très bien, Jean, la fin de saison, ça avait été très, très, très difficile, la fin de saison. Vous étiez rentré pratiquement par la porte d'en arrière, là. Pas loin. Ah, ben oui, on a fini juste quelques points en avant des Sabres de Buffalo, si je me souviens bien. Ouais. Donc, ça n'avait pas été facile. Faut pas oublier également le but de Steve Smith en 86 dans son propre filet, ça l'a aidé aussi, ça. Ça l'a aidé aussi. Ah, ben oui! Hey, écoute, il n'y a pas personne qui pouvait rivaliser avec les Oilers de Edmonton, là. Non, les Oilers de Edmonton étaient dans une place à part, puis ils ont rencontré leur Waterloo avec les Flames de Calgary, puis Steve Smith qui s'en va mettre la rondelle dans son propre filet. Puis les Nordiques qui avaient toute une équipe, ils se font battre en première ronde par les Whalers d'Hartford. Ouais. Hey, je vais te dire. C'était des portes qui s'ouvraient à gauche et à droite, là. Mm. Puis nous autres, on a rentré dedans. Oui, effectivement. Là, arrive après ça, l'année après que vous êtes congédié, vous êtes en vacances. Non. C'est okay. L'année d'après, on est allé en finale de la conférence. OK. On s'est ramassé en finale de la conférence contre les Flyers de Philadelphie. Puis là, je sais pas si tu t'en souviens de la fameuse bagarre générale avant le match. Avant le match. Dans le match, dans le sixième match. Ouais. Pourtant, on gagnait cette série-là, mais cette bagarre fédérale a tourné la série de bord. Puis finalement, on a perdu contre les Flyers de Philadelphie après une chaude lutte. Et là, par la suite, la troisième année que j'ai coaché, on est allé chercher 103 points. J'étais en nomination pour le trophée Jack Adams. Puis finalement, j'ai été congédié. OK. Donc, on va faire une pause, Jean, par la suite. On va parler des Nordiques puis ton passage dans les médias. Vous êtes allé écouter une entrevue avec Jean Perron sur les autres. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-9383. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Par la suite, Jean, les Nordiques de Québec vont te chercher. C'était pas comme entraîneur, c'était comme une espèce de conseiller adjoint au directeur général. C'est ça. Ouais. J'étais le directeur adjoint à Martin Madden. Et là, c'était un renouveau pour les Nordiques. Ils voulaient changer la face de cette équipe-là. Mais je vais dire une chose. Et c'était clopin, puis les meilleurs joueurs des Nordiques à ce moment-là, Peter Stastny, ouais. Anton Stastny, Michel Goulet, commençaient à être vieillissants, puis Ron Lapointe était l'entraîneur chef de cette équipe-là. En arrivant, Ron Lapointe, le coach, il met Guy Lapointe dehors. En tout cas, m'a dit une chose, c'était un branle-bas de combat à tous les jours avec cette équipe-là. Puis finalement, Ron Lapointe qui... Tombe malade, le cancer. Parce que je me rappelle très bien, c'était contre le Canadien que dans un match, tout le monde savait avant le match que Ron Lapointe était atteint d'un cancer et c'était probablement son dernier match qu'il dirigeait. C'est ça. Donc, comment c'était l'ambiance? Je me rappelle c'était terrible. Ouais. C'était terrible. ça me fait penser un peu à ce qu'on vit à Montréal à l'heure actuelle. Là. Ouais. C'est que Ron Lapointe avait laissé Peter Stassi sur le trottoir à New York. Puis après ça, il y avait eu une pratique à Québec, là, je pense que c'était à Beauport, à l'aréna de Beauport. Ouais. Puis tu voyais Peter Stassi qui était en run contre Ron Lapointe. Il garochait la rondelle dans les estrades pour un tout puis un rien. Mm. Ça fait que là, il y avait... Moi, je me souviens, Marcel Aubu avait fait un meeting. Il a dit, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? J'entends toutes sortes d'affaires, puis ainsi de suite. Fait que là, Martin Madden, puis moi, ben, on a dit, voici ce qui est arrivé à l'entraînement. Ça fait que là Marcel a dit, il va falloir qu'on prenne une décision là-dessus pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on va faire avec Ron Lapointe. Et soudainement, puis je n'ai parlé de ça à Marcel Aubu, qui est venu me voir ici en Gaspésie, à un moment donné, j'ai dit, tu le savais-tu à ce moment-là que Ron Lapointe avait le cancer? Il dit, je ne le savais pas, Jean. Ouais. Ça fait que là, quand c'est arrivé cette histoire de cancer, ben Marcel m'a demandé de prendre la relève jusqu'à la fin de l'année. Ça okay. fait que. Puis tu voulais pas ça, vraiment, j'ai... je me rappelle très bien, tu voulais pas vraiment. Tu as comme été forcé, là. Ça... Ah non, je voulais pas. Je voulais pas prendre cette équipe-là. Premièrement, moi j'ai je m'étais toujours dit après avoir gagner la Coupe cette année avec le Canadien, 103 points avec le Canadien, je me suis dit, je me ferai plus jamais congédier. Okay. Ça fait que tu tombes avec une équipe, là, hey, le seul bon joueur qu'on avait là, d'avenir dans cette équipe-là, c'était Joe Sakic. Là. C'était pas. Hey, Trevor Steinberg, puis Middendorf. C'était pas des grands joueurs de hockey là, pour, comme nouveau, là. C'était des jeunes qui étaient à l'apprentissage. Ouais. Puis non, c'était pas beau pantoute là, de voir où s'en allait cette équipe-là. Ça fait que finalement, ben, à la fin de l'année, ben, ils ont ramené Michel Bergeron. Et vous connaissez la suite. On connaît la suite. Par la suite, on pourrait parler longtemps. Tu es allé à San Francisco, tu es allé un peu partout, mais là, maintenant, il faut faire un podcast d'une heure. Là. On va faire. Par la suite, tu te fais connaître plus dans le domaine des médias. Oui, après ça, ben vois-tu. Avec Joe Hardy, avec Jacques Demers. Marcel Aubu et Martin Madden m'ont dit maintenant que Michel Bergeron est revenu, tu vas reprendre ton ancien poste de directeur général adjoint. Et là, tu vas partir pendant 10 mois sur la route parce que toi et puis Michel Bergeron ne pouvaient pas coexister. Mm. Hey, moi, là, partir m'en aller sur la route pendant 10 mois de temps, ça ne m'intéressait pas. Tout à coup, le CGRP m'a fait une offre avec le même salaire que je gagnais comme directeur général. C'était les bonnes années de la radio dans le temps aussi. Là. Ah oui, m'a dire une chose, là, j'ai tombé dans un domaine complètement inconnu. J'aurais jamais pensé que je pouvais faire ça dans ma vie. Ça n'a pas été facile, là. T'affrontais Max Simoneau, c'était contre Max Simoneau, ouais, hein? Oui, oui. Max Simoneau, là, c'est... Hey, les lignes ouvertes dans ces années-là, là, c'était quelque chose, là. Ouais. On va dire, c'était... c'était la compétition, la rivalité Montréal-Québec, puis tout le monde cherchait à aller chercher des parts de marché, puis on travaillait très, très fort, et j'ai été bien mentoré par un gars qui s'appelle Claude Lussier, que tout le monde connaît dans le Lac-Saint-Jean. Oui, et Claude Lussier qui est au Saguenay, qui a commencé sa carrière au Saguenay, qui est maintenant rendu à Québec. Et par la suite, bon, t'as connu à 110%, on t'a connu un peu partout. Donc, ça t'a fait quand même une maudite belle carrière dans le domaine des médias aussi. Là. Ben, j'ai fait une longue carrière là-dedans. Naturellement, le pinacle de toute cette histoire-là, ben, ça a été 110%. Hein? Ouais, 110% où ce qu'on allait chercher, même si on n'était pas diffuseur du Canadien et des Nordiques officiellement, ben, on allait chercher 300 000 personnes le soir à 10h. Ouais, ouais, et ça, c'était inattendu, c'était incroyable d'atteindre des chiffres semblables. Donc, ça a été... de très beaux moments. Il y a eu un mauvais moment aussi. Oui, je me rappelle avec une sortie avec François Gagnon, Pierre Rinfret. Tu avais passé au bat, pas à peu près. Ça... Ah, j'ai passé au cash. J'étais pas supposé de retourner. J'ai finalement, le directeur des programmes de à ce moment-là, c'était Michel Cafaison. C'était pas Charles Perrault ou encore, comment il s'appelle? Il est rendu directeur, il est rendu dans l'immobilier. Le gars qu'on parle, je sais de qui tu parles, là, mais il est rendu dans le... Ah, avec Éric Lavallée. Ouais, Éric Lavallée, c'était lui, producteur hein, de l'émission. Hein? Oui, mais son grand boss m'a appelé, puis il dit, les gars qui t'ont insulté en onde, ils vont s'excuser, il faut absolument que tu reviennes. Puis 3 mois plus tard, ben, je suis retourné, ils ont fait amende honorable, ils sont excusés devant tout le monde, puis finalement, ben, ça a été un succès monstre, cette histoire-là. Ah. Tellement fort que Radio-Canada a décidé de faire aussi un programme du genre avec Michel Villeneuve qui a lâché 110%. Après ça, ça a été RDS qui a fait la même affaire avec Michel Bergeron puis Pierre Bouchard. En somme, c'est 110% qui a mis ces sortes de programmes-là sur la map. Et même sur la politique, il y en a de la politique. Ça a été vraiment, là, ça a commencé, c'est 110% qui était là-dessus. Et là, aujourd'hui, ben, t'es en Gaspésie, t'es très heureux, t'es à Chandler, je parlais en dehors des ondes avec toi. C'est complètement une vie totalement différente. Puis t'es quand même à distance, t'es quand même capable encore de... T'es quand même encore capable d'être bien briefé sur le Canadien. Là. Ah ben oui, ben écoute, c'est clair que j'ai un paquet de contacts un peu partout dans l'île nationale parce que les gars que j'ai dirigés pour... moi ou encore que j'ai connu à travers la Ligue nationale, ben, sont tous devenus des dirigeants maintenant de la Ligue nationale. Mm-hmm. Je regarde là, ou encore ils sont dans les médias, tu sais, un paquet de gars dans les médias qui sont à Toronto, à Montréal, comme Guy Carbonneau à Montréal, des gars que j'ai dirigés un peu partout. Même Michel Bergeron, avec qui j'ai des bons contacts aujourd'hui. Michel est avec TVA Sports. Je l'appelle pour certains détails des fois, puis naturellement, je vais à Montréal régulièrement pour des matchs de hockey. J'ai encore 2-3 contrats là, que je fais de mon domicile. Je fais que, non, je me tiens en bonne, bien informé de tout ce qui se passe chez le Canadien. Et en terminant, surtout chez Canadien. Ouais, en terminant, une question là-dessus. Le Canadien qui, au moins, quand je le podcast, n'a pas de directeur général. Penses-tu qu'on va y aller avec une femme? Je peux pas croire. Moi, j'ai pas de problème si la femme est compétente, mais ça me fait peur. Ça me fait peur. L'histoire de Logan Mailloux, là, ça me fait peur. Non, écoute, je vais être assez direct de ce côté-là. Moi, je pense que on va le faire. On parle de... Comment qu'on appelle ça, là? L'introduction de femmes dans le sport professionnel. En tout cas, il y a le mot spécifique, là, je me souviens pas. Mais il reste que... Pour moi, une femme comme directeur général du club de hockey canadien, c'est de la poudre aux yeux. Wow. Parce que il n'y en a pas une qui est capable de remplir ce rôle-là. Mm. Parce que dans le sport professionnel, il faut que tu montes les marches les unes après les autres. Mm. Tu peux pas être catapulté si tu n'as pas été éclaireur ou directeur du personnel à quelque part, je parle professionnel, là. Si tu n'as pas fait toutes les marches les unes après les autres, oublie ça pour être directeur général. Oui, tu peux aller chercher une femme par exemple, éclaireur, puis tu lui montres les rudiments comme... directeur du personnel, comme on voit avec Harley Wickenheiser avec les Maple Leafs de Toronto, si je ne me trompe pas. Mm. La petite Gaillette aussi qui est rendue avec Toronto. Oui, effectivement. Ça fait que dans le baseball, il y en a une qui est directrice générale des Marlins, mais elle a monté les échelons au basketball. C'est ça. T'as Becky Hammon qui va probablement succéder à Greg Popovich. Elle a monté les échelons. J'ai pas de problème. Mais si, moi, ce que j'ai peur, c'est que le vrai directeur général, c'est Jeff Gorton, puis qu'on arrive avec une femme. C'est ça qui... Non, ben, je pense pas que ça va arriver. Écoute, là, il faut les personnes les plus compétentes que tu peux pas trouver sur la planète pour relancer l'équipe la plus prestigieuse du hockey professionnel, là. Ah, non, faut pas que tu te trompes, là. Non. Puis Jeff Monson, a de l'air à vouloir prendre son temps justement pour faire la sélection la plus correcte inimaginable. Donc, il va passer par toutes les étapes d'entrevue, de sélection, tout ce que tu veux pour justement redorer le blason de cette équipe-là. C'est pour ça que... Non, l'inclusion, c'est bon. Il va y avoir une femme à quelque part qui va être engagée dans l'organigramme hockey du club d'hockey canadien. Ça, je suis convaincu. Mais de là à dire que ça va être une femme qui va être directrice générale du club d'hockey canadien, oublions ça. Là. Moi, je connais ton opinion, je t'écoute à Radio X, puis on est 400% d'accord. Il y a qu'un gars, c'est Patrick Roy. Puis malheureusement, Patrick Roy fait peur. Et malheureusement, c'est triste, mais c'est la réalité. Puis on va passer à côté de lui encore, à cause de ça. Ben, depuis l'engagement de Bob Gainey, qui le connaît très bien, il n'y a pas personne sur ce comité-là qui connaît mieux Patrick Roy que Bob Gainey. Puis Bob Gainey, quand il va être assis face à Patrick Roy, je peux dire une chose, Bob Gainey va être son plus grand supporter. Ça, je suis convaincu de ça. J'espère. Les gars savent que Bob Gainey sait comment est-ce que c'est que Patrick Roy peut être un homme de caractère. C'est un être exceptionnel, Patrick. Pour faire que ce qu'il a fait dans le hockey, sur la glace et en arrière du banc, arriver dans le junior majeur puis gagne la Coupe Memorial en partant, ensuite de ça, il s'en va au Colorado, il est nommé entraîneur de l'année en partant. Hey, un instant, là, c'est pas Joe Blow sur le bord de la rue, là. Tu parles à quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a pas un gars dans le domaine du hockey au Québec qui est encore actif, là, dans le hockey, qui peut se vanter d'avoir accompli ce que Patrick Roy a accompli, là. Je suis tellement d'accord avec toi, Jean, mais ça arrive. Je suis convaincu que ça n'arrivera pas, mais je suis d'accord avec toi, là. Je suis 400% d'accord avec toi. Jean, joyeuse fête, bonne année. Merci beaucoup de collaborer de temps à autre avec moi. Santé. Et là, les restaurants, ben, quelque part, au moment où on lance le podcast, vous avez mangé un autre go. Fait que je te remercie beaucoup quand même pour se reparler en 2022. OK, joyeuse fête toi aussi, à toi et tous tes auditeurs et ta famille. L'ancien instructeur-chef du Canadien des Nordiques, Jean-Pierre.